Depuis le début des extraits choisis, vous avez remarqué que le Coran est riche en préceptes. Faites ceci, fais ceci, ne faites pas cela, ne fais pas cela. Dans cette 10e partie, j'ai regroupé des préceptes concernant, premièrement, les obligations alimentaires. Deuxièmement, la pratique religieuse, déjà évoquée ici ou là. Troisièmement, la vie en société. D'abord, les obligations alimentaires. Bien connues, même des non-musulmans, elles méritent pourtant d'être précisées. Ô homme, nourrissez-vous de tous les fruits licites et délicieux. Ne marchez point sur les traces du diable, car il est votre ennemi déclaré. Il vous est interdit de manger les animaux morts, le sang, la chair du porc et tout animal sur lequel on aura invoqué un autre nom que celui d'Allah. Celui qu'il ferait, contraint par la nécessité, et non comme rebelle et transgresseur, ne sera pas coupable, car Allah est indulgent et miséricordieux. Il t'interroge sur le vin et le jeu. Dis-leur, l'un et l'autre sont un mal. Les hommes y cherchent des avantages, mais le mal est plus grave que l'un avantage des grands, car le paradis leur est promis, où ils pourront enfin boire du vin. Deuxièmement, les préceptes les plus fréquents, d'où sont tirés les 5 piliers de l'islam, concernent la pratique religieuse. Le premier est la foi d'un Dieu unique, déjà cité. La deuxième est la prière. Ô croyants, répétez souvent le nom de Dieu et célébrez-le matin et soir. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs sont pénétrés de crainte lorsque le nom d'Allah est prononcé, dont la foi augmente à chaque lecture de ses enseignements et qui ne mettent de confiance qu'en leur Seigneur, qui observent la prière et font l'aumône des biens que nous leur dispensons. Ceux-là sont les vrais croyants. Ils occuperont les degrés les plus élevés auprès de leur Seigneur. À eux son indulgence et ses bienfaits, généreusement répartis. Quand on fait la lecture du Coran, soyez attentifs et écoutez-le en silence, afin que vous obteniez la miséricorde d'Allah. Ô croyants, quand vous vous disposez à faire la prière, lavez-vous le visage et les mains jusqu'au coude. Essuyez-vous la tête et les pieds jusqu'aux chevilles. Ô croyants, ne priez point lorsque vous êtes ivre. Attendez que vous puissiez comprendre les paroles que vous prononcez. Ne priez point quand vous êtes souillé. Attendez que vous ayez fait vos ablutions, à moins que vous ne soyez en voyage. Si vous êtes malade ou en voyage, si vous avez satisfait vos besoins naturels, ou si vous avez eu commerce avec une femme, frottez-vous le visage et les mains avec de la menue poussière, à défaut d'eau. Allah est indulgent et miséricordieux. Les insensés parmi les hommes demanderont « Pourquoi Mohammed change-t-il la Qibla, le lieu en direction duquel on fait la prière ?» Avant Mohammed, c'était Jérusalem, après lui, c'est la Mecque. Réponds-leur, l'Orient et l'Occident appartiennent au Seigneur. Il conduit ce qu'il veut dans le droit chemin. Le troisième pilier de l'islam est la charité envers les nécessiteux, la zakat, l'aumône. Les aumônes doivent servir aux pauvres, aux indigents, à ceux qui les recueillent, à ceux dont les cœurs ont été gagnés pour l'islam, au rachat des esclaves, aux insolvables, aux voyageurs, pour la cause d'Allah. Tel est le précepte d'Allah. Il est savant et sage. L'aumône que vous ferez, le vœu que vous formerez, Allah les connaîtra. Les méchants n'auront aucune assistance. Faites-vous le monde au grand jour, c'est louable. La faites-vous secrètement et secourez-vous les pauvres, cela sera plus méritoire. Une telle conduite fera effacer vos péchés. Allah est instruit de ce que vous faites. Donnez votre superflu. Allah n'aime pas les orgueilleux et les présomptueux. Il n'aime pas les avares qui recommandent l'avarice aux autres et cachent soigneusement les biens qu'Allah leur a accordés. Nous avons préparé aux infidèles une peine ignominieuse. Ils n'aiment pas ce qu'ils font l'aumône par ostentation et qui ne croient point en Allah et au jour dernier. Quiconque a Satan pour compagnon, celui-là a un mauvais compagnon.